calendrier a été changé par Jules César. On souligne le J et le C, dont les initiales sont les mêmes que ceux de Jésus-Christ. Y a-t-il coïncidence ou une autre explication? Le calendrier qu'on sert aujourd'hui, le calendrier réformé par le pape Grégoire. C'est le calendrier grégorien. Jules César, effectivement, à un moment donné, a tout changé au complet, puis a décidé qu'on partait d'une certaine date. Pas pour ce que la personne dit. Il y a effectivement des coïncidences, pas des coïncidences, on va dire des coïncidences, mais des traits qui vont relier Jules César à Jésus-Christ. Mais pas parce que c'est le même personnage, mais il y a des mécaniques qui vont les relier tous les deux. Par exemple, César, c'est un des rares personnages à être venu au monde parce qu'on a ouvert le ventre de sa mère pour sauver le bébé. Et depuis ce temps-là, on parlera de césarienne quand on va faire la même technique. Et c'est une naissance particulière, c'est un bonhomme particulier. Il s'est fait trahir par son meilleur ami. Bon, on parlera dans le cas du Nazaréen de Judas, mais Judas l'a trahi, mais pas comme on le pense. Alors que là, c'est son fils adoptif qui va l'éliminer de la surface de la Terre. Il y a des petites choses intéressantes sur lesquelles on pourrait jaser, mais pas en ce qui concerne le phénomène du calendrier. Il y a une attraction pour Jules envers Jésus, mais pas comme on pourrait le penser. Les chevaliers de la Lune sont-ils nos parents? Nos parents. Disons qu'ils sont parents, mais ils ne sont pas nos parents. On ne descend pas des chevaliers de la Lune, mais on peut avoir des affinités énergétiques avec eux. Bon, ce sont les seigneurs de la Lune qui sont énergétiquement les instigateurs de la vie dans la matière planétaire. Ce sont des êtres lucifériens? Oh, absolument. La suite de la question, c'était qui sont-ils? C'est ça. Ce sont les êtres lucifériens. Ça serait très long. Je le laisse ici, là, puis on va passer aux autres questions, mais sinon, on va jouer longtemps. On verra ça en même temps. Vas-y. Nous allons vers où nous sommes venus. Mais depuis le temps qu'on est parti, je ne me rappelle plus d'où je viens. Quel est le nom de la planète? Donnez-moi mon adresse, je l'ai perdu. Écoutez-vous pas, votre femme vous attend pas. Vous attend plus. Oui, vous attend plus. Un marié qu'un autre. Votre mari non plus. Nous allons vers où nous sommes venus. Mais depuis le temps qu'on est parti, je me rappelle pas d'où je viens. Quel est le nom de ma planète? Bon, évidemment, il faut considérer la question, n'est-ce pas, sous un autre angle. Est-ce qu'on doit dire quel est le nom de ma planète ou quel est le temps de ma planète? Premièrement, quel est le temps est une farce totale, puis quel est l'endroit est une farce totale. Étant donné qu'on parle d'infinité, le temps, une date à travers l'infinité devient une illusion totale. Alors, si on dit quel est le temps, on n'est pas dedans du tout. Alors, si on dit ça fait 3 milliards d'années, à partir de quoi? Ou avant quoi? Ou après quoi? Alors, comme là, on parle de 1991, après le passage, du moins après la disparition, après la naissance du Nazaréen. Oui, mais c'est 1991 dans quoi? Dans absolument rien. On prend n'importe quelle date aléatoirement. Alors, le « où », c'est aussi fictif, parce que dans un univers qui est infini, l'endroit devient une vraie farce. Et le temps, dans un phénomène temporel qui est infini, donc qui est éternel, la date devient aussi une farce. Nous ne venons pas d'une planète, parce qu'à l'époque de notre venue, il n'y avait pas de planète. Est-ce qu'on peut parler d'un état? Si on n'est pas capable de fixer de temps, on n'est pas capable de fixer de place. Un état dans le sens américain? Non, un état, une qualité, ou une qualité entre guillemets, là. On ne peut pas dire qu'on vient d'où, ni on vient de quand. On vient de quoi? Est-ce qu'on peut... On a-t-il une référence qualificative ou qualitative? Quantitative? Non. L'être humain a besoin de référence, mais si l'être humain veut, avec son ego ou avec les prémices de sa conscience, fouiller dans l'endroit, dans la mécanique extra-créationnelle, donc au-dehors même de l'intervention qui a permis la création, Si l'être humain veut fouiller dans les mécaniques extra-créationnelles, il va nécessairement avoir besoin de références, c'est-à-dire de points de repère, et il n'y a aucun point de repère lorsque l'on veut toucher des mécaniques extra-créationnelles. Autrement dit, l'être humain devra comprendre que l'univers n'a jamais existé. Si l'être humain est capable de comprendre que la création n'a jamais existé, il aura immédiatement le savoir de ce que c'est que le temps et de ce que c'est que la matière dans une petite capsule. Il pourra être capable de s'énergiser un peu avec. Mais si l'humain n'est pas capable de supporter clairement l'idée que l'univers, que la création n'a jamais existé, l'humain va dire, voyons donc, ça existe encore. Mais non, l'univers n'a jamais existé. Du point de vue extra-créationnel, nous n'avons jamais existé. Donc, il y a nécessairement la compréhension que la finalité est déjà accomplie, et qu'étant donné que nous traversons une sphère, l'être humain en grosso modo est une créature du temps, étant donné que nous traversons des sphères créationnelles, disons créactivées par des mécaniques illusoires que sont la matière et le temps, l'espace et le temps, l'être humain a besoin de références, et ces références sont toujours spatio-temporelles, c'est-à-dire que les références de l'humain sont toujours chronologiques, ce sont des dates, et ce sont des endroits, des lieux. Bon, sauf que les dates et les lieux sont des choses qui n'existent plus, qui, comme telles, n'ont jamais existé, si on veut se référer au phénomène de l'extra-créationnalité. Lorsque la personne dit « d'où je viens », elle ne sait pas de quoi elle parle. Quand elle dit « où » Ben, non, juste quand elle dit le « où » et quand elle dit le « temps ». Le « où », c'est le lieu, et le « je viens » parle du passé, on parle du temps. Bon, « où je m'en vais ». Je m'en vais parle de l'avenir ou parle du lieu. Et l'être humain ne peut pas, tant qu'il a une conscience qui est spatio-temporalisée, c'est-à-dire qui est une concentration dans quatre dimensions, de 13 dimensions qui prévalaient lors de la création, l'être humain ne peut pas se servir de ces points de référence quadridimensionnels pour essayer de comprendre des mécaniques qui sont totalement au-dehors des quatre dimensions. De la largeur, l'épaisseur, la hauteur et le temps. Alors, l'être humain qui, par exemple, bon, l'ego qui pose une question, j'aimerais savoir d'où je viens, etc., la question, évidemment, elle est d'une envergure plus loin que l'écriture. Mais l'humain ne peut pas comprendre ça présentement parce que l'humain doit accéder... Avant d'accéder, l'humain doit commencer par éliminer des armures. Les armures, ce sont des concepts qui solidifient sa conscience mémorielle. Ce sont des concepts qui solidifient son ignorance. Parce que l'ignorance de l'humain, c'est ce qui lui sert de base pour essayer de rejoindre le savoir. L'ignorance de l'homme, c'est ce que l'homme appelle la connaissance. Et c'est pourquoi la majorité des savants vont dire, plus on connaît, plus on se rend compte qu'on ne connaît pas. L'ignorance de l'humain, c'est ce qui lui permet de grimper lentement vers le savoir. Et le savoir est une mécanique instantanée, on l'a vu un peu tout à l'heure, c'est ce qui va réellement développer une conscience vivante chez l'humain. Et l'être humain qui, donc, essaie avec une connaissance, avec un savoir mémoriel, mémorisé, de comprendre la mécanique même d'où il vient, ne peut pas. L'humain va dire, je ne me rappelle pas d'où je viens. C'est absolument évident parce que tu ne viens pas. Tu ne viens pas du temps, toi, en tant qu'être vivant. La matière, le corps, ça vient du temps, c'est une créature du temps. Et là, on peut parler de la création, par exemple, des premières prémices du corps matériel de l'homme qui date de quelques milliards d'années. On peut parler de la nature même de la création ou de la gestion créationnelle du plan planétaire qui date aussi de quelques milliards d'années. On peut parler de l'apparition stellaire en même temps que l'apparition planétaire. On peut parler de l'apparition de notre galaxie, on peut parler de l'apparition de notre univers, du super-univers ou d'une partie de la création qui date de... Enfin, on va vers la fin dans 15 milliards d'années. Sauf que l'être humain qui essaie de comprendre cela, il ne trouve rien. Tout ce que l'humain va faire, c'est qu'il va se dire, bon, disons que le corps physique est apparu il y a 3,8 milliards d'années. Bon, qu'est-ce qu'il a créé? Ça vient de où? Les seigneurs de la Lune. Ben, la Lune n'existait pas. Non, c'est évident. Quand on parle des seigneurs de la Lune, on ne parle pas de la Lune. Bon. Et là, l'humain va dire, bon, disons que ce serait une énergie qui arriverait de l'extérieur, disons, par une mécanique d'effusion, un ralentissement énergétique, un refroidissement. On appelle ça une chute, quand on parle catholique. Alors, par une effusion, bon, on arrive de quelque part. Mais d'où on venait, là? À un moment donné, on se ramasse aux confins de la limite de l'univers. L'univers est infini, mais l'univers est fini, mais il est... On peut jouer dedans comme on veut. On peut dire qu'il est infini par l'intérieur, même si l'univers a une frontière et une limite. L'humain va dire, si l'univers a une frontière, on doit, astrophysiquement parlant, un astrophysicien va dire, si l'univers a une frontière, c'est que le temps a une frontière. Donc, ça veut dire qu'il y a un point zéro. Mais si l'univers a une frontière et qu'on découvre de plus en plus que l'univers, malgré que l'univers est limité, fini, on se rend compte qu'à l'intérieur, il y a de l'infini. On peut donc dire la même chose du temps. Le temps a un point zéro, mais même s'il aurait un autre point zéro, entre les deux, on a l'infini. Et c'est vrai. Et puis, si tu as une frontière ou si tu as une limite à l'univers, ben ça veut dire que tu as encore quelque chose à l'extérieur de la limite. Théoriquement. Sauf qu'on peut se rendre compte que la limite ne pourra jamais l'atteindre, même si elle est là. Pourquoi? Parce que tout ça fait partie d'une mécanique d'illusion. Ça fait partie du mensonge cosmique qui permet à l'humain de conserver des concepts mémoriels de ce que c'est que la création pour permettre à des égos, c'est-à-dire à des véhicules qui vivent dans des mondes refroidis, le plan planétaire en est un. Ce n'est pas le plus refroidi, mais c'est un des très froids, pour permettre à ces véhicules-là d'être capables de consolider dans la matière astrale, la matière vitale, la matière mentale, la matière physique, une mécanique capable de leur permettre d'avoir chez eux un point de repère pour parvenir à un moment donné dans un écrasement total, parvenir à quitter, à s'absoudre totalement de la création. Puis encore, les mots ne sont pas juste parce que je prends des mots planétaires pour essayer d'expliquer une chose qui n'est même pas capable, qui ne peut pas encore s'installer dans une conscience humaine. Quand je dis que l'univers n'a pas et n'a jamais existé, ça résume finalement le d'où vient l'humain. L'humain ne vient pas, l'humain ne va pas, et ce n'est même pas une question d'éternité. C'est pas le genre de question à se poser avant de se coucher. Hey, pour l'ego, moi je trouve que c'est la pire partie de tout ce que tu dis depuis que je te connais. Il n'y a rien, il n'y a plus de raison d'être. Il n'y a pas de raison. Pourtant, il y en a une, mais il n'y en a pas en même temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en expliquer une de façon logique ou de non, façon... Non, c'est qu'il n'y a pas de raison d'être. On n'est pas capable de le quantifier, de le qualifier, de le sentir. Non, il n'y a pas de raison d'être, parce que nous sommes... Il n'y a même pas de raison de ne pas avoir été. Il n'y a pas de raison partout. Exact. Et c'est ce que certaines personnes découvrent à un moment donné. Il y en a qui vont se suicider, mais ils se ramassent dans le monde de la mort. On leur garoche immédiatement sur le plan planétaire, puis on rit d'eux autres. Il y a plusieurs choses que l'humain a intérêt à ne pas connaître. Et ces choses-là, l'humain a intérêt à ne pas les connaître, il a intérêt à les savoir. À commencer par des conférenciers. Ouais. Mais l'humain a intérêt à ne pas connaître ces choses-là, il a intérêt à les savoir. C'est pourquoi il y a plusieurs choses, par exemple, souvent en conférence régulière, je dis que je ne veux pas répondre, bon, c'est plus aux conférences réservées aux séminaristes ou encore en séminaire, pour éviter justement que le négo ne comprenne pas, parte avec une semi-certitude. Si au moins l'ego s'en va en disant « crime, Daniel Kem, complètement fou », aucun problème. Mais si l'ego part en disant « tabarnouche, ça va mal », ça va mal, ça va même pas mal, il n'y a même pas de mots. Oui, mais lui part en disant que ça va mal. Ça va non, pas. S'il part en disant crime, ça se finit eux, c'est même pas... Il est correct. Ouais. Pas de danger. Mais la personne qui part en disant que ça va mal, parce qu'effectivement, il y a plein de choses que parce je qu'après, veux... tu te dis, ben pourquoi je tondrais mon gazon le matin? C'est même pas du verre, on n'aurait jamais été là. Oui, mais moi, ce que je veux personne dire... Personne l'aurait vu long. Oui, mais moi, ce que je veux dire simplement, c'est que tu tondes quand même ton gazon le matin parce que tu étais tellement manipulé. Puis si tu ne veux c'est pas... C'est encore bien pire que tu oui. dis ça. Puis tout ce qui... Je sais. Surtout la grandeur de gazon qu'il y a, lui. Ah ouais, je sais. Faudrait que je passe la faux. Oui, mais ça, c'est faux. Bon. Maintenant, ce qui arrive, c'est ça. C'est que toi, tout ce qui peut t'arriver, si tu n'es pas capable de toucher l'énergie supramentale, le savoir ou l'esprit, ce qui va arriver, c'est que tu vas connaître des choses, tu ne pourras pas t'en servir, tu vas simplement être capable de pouvoir souffrir plus. Même l'être humain qui arrive au suicide, c'est parce que dans l'astral, on l'autorise au suicide. Parce qu'il y en a plusieurs qui veulent se suicider et qui manqueront leur coup tout le temps. Celui que je connais le pire, celui qui a mis le feu à sa maison pour se suicider, les pompiers ont éteint le feu avant, puis le gars s'est ramassé en prison pour incendie criminel en plus. Bon. Puis c'est sérieux, c'est dans le Journal de Montréal à un moment donné, pauvre, tu sais. Bon. Avec un ça va mal, le gars avait le feu. Le gars, il passait, le gars, quand il s'est pendu, quand il a mis le feu à la maison, il a dit bon, ça vient de s'éteindre. Mais c'était pas ça, hein. Il a jamais dû dire ça. Non, sa femme t'a arrosé ça après quand t'as su ça. C'était la taverne. Mais là, ce qu'on doit comprendre, c'est que l'humain, il y a des choses que la conscience humaine ne peut pas toucher du point de vue de la réponse. La conscience humaine commence à pouvoir envisager la question parce qu'elle commence à dépasser l'envergure des réponses traditionnelles. La question apparaît uniquement quand les réponses ne te satisfont plus. Quand la réponse n'est plus capable de te maintenir, mais subitement, tu commences à te poser des questions. Et ces questions-là, ce sont des prémices du contact supramental entre la structure humaine, entre l'édifice humain et des plans supérieurs. Quand je parle de plans supérieurs, je parle au niveau vibratoire et non pas au niveau hiérarchique. Hein? Hiérarchiquement, il n'y a rien qui va contrôler l'humain au niveau de sa conscience. C'est des plans supérieurs du point de vue de la vibration. Et quand l'humain entre en contact avec des plans supérieurs au niveau de la vibration, l'humain va nécessairement commencer à déborder la stabilité des réponses traditionnelles. Et là, il va commencer à vivre une espèce d'inquiétude égoïque, astrale, qui l'amène à une révélation en face de nouvelles questions. Est-ce que là, c'est le temps, justement, quand tu arrives à ce genre de questions-là, sans réponse, Non, il y a une réponse. Il y en a une, mais sans réponse perceptible par l'ego, sans réponse qui peut savourer, mesurer. Est-ce que c'est justement là le temps de faire un pas en arrière, là, pour revenir à faire les psychiques? Tu as le choix de faire un pas en arrière ou un pas en avant. Mais la personne qui reste là, elle va finir par être problématisée. Parce que c'est facile de se poser... Oui, mais le pas en avant est peu difficile à faire. Non, il ne serait pas plus difficile que le pas en arrière. Tu n'as pas le choix. Tant qu'à ça, tu as raison. Bon. On parle pour rien. Non. On parle pas pour rien, mais on parle pour rien. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix, on va faire pas qu'on a à faire. Celui qui va avancer, il va devoir avancer de toute façon, qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas. Mais il va, dans la zone grise, il va passer d'un bord ou de l'autre. Oui. Maintenant, ce qui arrive, c'est que moi, je peux, en travaillant avec certaines personnes, rendre plus douce la période grise, la transition. On n'a pas la possibilité de faire avancer quelqu'un plus rapidement. Tout ce qu'on peut faire, c'est alléger son karma. Donc, ça, la problématique de transition. Tout à l'heure, on parlait en haut avec une personne. La personne, elle te disait, bon, il y a ceci, cela, etc. Puis finalement, on lui a dit, écoute, ça ne sert à rien que tu dises ça. La personne, elle disait, non, mais c'est parce que j'aimerais que ça ne sert à rien que tu dises ça. Oui, mais là, je lui ai dit, écoute, tu as raison. Mais ça ne sert à rien que tu aies raison là. Et c'est souvent la même chose pour l'humain dans son évolution. L'humain, il découvre des choses, c'est plein de choses, c'est merveilleux. Mais tout ça ne lui servira pas. Il a raison. Mais ça ne sert à rien qu'il y ait raison là. C'est pas ça. C'est un peu comme vous dites à votre femme ou à votre mari, écoute, toi là, si tu n'aurais pas acheté telle pinte de lait, là, on n'aurait pas eu du lait qui est passé date. Oui, mais ça ne sert à rien qu'il y ait raison là. Elle ne le fera plus. Ben en plus, elle a pris une pinte de lait, elle ne savait pas que c'était... Ou il ne le savait pas que le lait n'était pas bon. On gaspille énormément de temps, d'énergie. Il a raison, mais ça ne sert à rien qu'il y ait raison là. Il faut que l'humain ait raison dans quelque chose qui lui amène à avancer dans sa vie. Ah, tu n'aurais pas dû prendre. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Oh, mais c'est pour pas que tu recommences. S'il n'est pas intelligent, l'autre, il va recommencer quand même. Puis s'il est intelligent, ça vaut pas la peine qu'il dise. Il sait déjà. Donc, une perte de temps totale. L'humain, ça ne vaut pas la peine. Dans l'évolution, c'est souvent la même chose. Bon, tu vas te dire, on peut parler de Dieu. Dieu, c'est quelque chose de formidable. C'est quelque chose que l'être humain... On en reparlera tout à l'heure, plein de questions. C'est ça que j'allais dire, parce que c'est là. Tu t'évades. La Terre, en traversant les nuages de poussière supramentale, va-t-elle activer des portes pour le transport séraphique? Oui. Oui. Écoute, je veux répondre à une question rapidement pour sauver du temps, puis lui il est là, puis il attend. Oui. Quoi? Affirmatif, positif. OK. C'est cela. C'est quoi l'enfer? Oui, quoi? L'enfer, c'est quand l'être humain rentre au ciel avec sa conscience. Vous êtes à vous dire que tu m'as interviewé. Non. Quand tu rentres au ciel avec ta conscience, c'est-à-dire quand... C'est en enfer. OK. C'est un peu comme quand tu rentres dans la vie que ta conscience. Ah, vous avez été heureux longtemps, heureuse longtemps, à un moment donné, il n'y a rien qui change dans votre vie, sauf que vous commencez à voir plus clair. Vous commencez à être plus souffrant. Mais rentrer au ciel avec sa conscience, c'est l'enfer. Est-ce que ça veut dire que parce qu'on est en conscientisation, plus ça va aller, plus il va y avoir d'enfer? Dans le sens absolument. Que ceux qui étaient... Absolument. Oui, il n'y aura pas plus d'enfer, mais tu vas le savoir. C'est un peu comme si on t'opère puis tu dors. C'est quoi l'enfer? C'est de te réveiller pendant qu'on t'opère. On t'opère toujours, mais là, tu le sais. L'enfer, c'est la même chose. Maintenant, ça, c'est l'enfer de l'être nouveau. Si on parle de l'enfer du point de vue catholique ou ésotérique, catholique dans le sens universel, du point de vue de toutes les formes de théologie, l'enfer, c'est la mémorisation dans la matière de ce qui s'est passé lorsque la Terre s'est refroidie. Ça veut dire que l'enfer commence du centre de la Terre et flotte à quelques dizaines de pieds au-dessus de la surface du sol. Et dans l'enfer, on a la mémorisation de la Terre à l'époque où elle était une boule de feu. Et la Terre s'est refroidie lentement, lentement, lentement. Et dans l'Antiquité, quand l'humain était capable, dans l'astral, d'aller fouiller dans ces mémoires-là, il voyait un feu absolument extraordinaire, un feu qu'il disait éternel. Ça a duré quelques milliards d'années, donc quelques centaines de millions d'années. Alors, ça, c'est l'enfer du point de vue akashique. Après, on parlera de la phase purgatorielle très limitée, qui est le plan moronciel. On parlera donc du purgatoire. La phase purgatorielle, depuis des milliers d'années, elle dure dans le monde de la mort pendant que le corps astral se défait, pendant qu'une partie de l'âme est en train de se faire digérer parce qu'il l'entoure. Ah bien, si on parle de l'enfer du point de vue théologique, c'est le centre de la Terre, aller jusqu'à quelques pieds à la surface du sol. Et de temps en temps, il y a des atmosphères infernales qui vont se promener avec les vents. Le moment donné, le monde se sent tout mal, c'est collectivement, ça plane. Ça fait partie encore des mécaniques infernales. Si on parle de l'enfer, c'est comme ça. Puis quand on parle de l'enfer, par exemple, le Nazaréen, qui a fait une descente aux enfers, il n'est pas uniquement descendu de rencontrer des mécaniques intraterrestres, il est aussi simplement pénétré le monde de la mort, le ciel, pour aller chercher des choses qu'on explique surtout en séminaire. Il est allé résorber une partie de ce que lui avait laissé, et c'est ce qu'on appelle la descente aux enfers. Et là, il était conscient, donc c'était l'enfer. C'est ça, de cet enfer-là existe aussi, c'est que lorsqu'on rentre au ciel avec sa conscience. Et qui peut y aller? Ben, dans l'enfer terrestre, on est tous là. Oui, puis pour le reste, seulement des très, très rares initiables ou initiés. Il n'y en a pas une peste. Initié comme dans émission? Oui, c'est toujours ça. C'est ignition dans le sens feu. Ignace, ben c'est ça. C'est celui qui est capable de vivre l'initiation solaire, donc d'être confronté à l'intelligence pour savoir. Qu'est-ce que la guématrie kabbalistique? Bon, c'est similairement à ce qu'on a expliqué ce soir quand on parlait de numérogonie. C'est l'explication de la résonance vibratoire des noms. Kabbalistique, toute forme de guématrie ou guématria est kabbalistique. C'est d'origine kabbalistique, donc d'origine juive. Et c'est la connaissance de la résonance vibratoire d'un nom. Autrement dit, vous allez passer votre vie avec votre nom et ça ne marche pas. Et là, avec la guématrie, on va être capable de se rendre compte qu'on doit rajouter une lettre dans votre nom. Comme par exemple Daniel Kemp, puis on va mettre Daniel P. Kemp ou Daniel A. Kemp. Alors, il y a plusieurs personnes qui, après leur étude vibratoire du nom, vont rajouter Charles P. Villeneuve. Ça, là, c'est fonctionnel pour les êtres spirituels et ça ne sert pas l'être conscientisatif. L'être humain qui se conscientise et non pas qui évolue, la guématrie ne lui sert pas. C'est beaucoup plus important pour l'être qui se conscientise d'apprendre à prononcer son nom que d'en changer la consonance vibratoire. Autrement dit, vous n'êtes pas capable de dire votre nom, bon... Vous allez quelque part et vous dites à quelqu'un, « Bonjour, je m'appelle Pierre, je m'appelle Daniel. » Moi, quand je vais à quelqu'un, je vais dire, « Bonjour, je suis Daniel. » Je suis Daniel Kim. Et il n'y a pas de trémolo dans ma voix. Je n'ai pas de problème à prononcer mon nom parce que je suis capable de mettre dans le nom la résonance vibratoire qui doit y être allouée. Alors qu'en guématrie, c'est quand même une technique qui date du passé, très efficace, mais qui ne servira pas l'être nouveau ou la personne qui est en transition. La personne doit développer et toujours amener d'elle-même vers l'extérieur les solutions qui vont l'aider. C'est ce qu'on appelle devenir son seul maître. La guématrie, c'est d'altérer ton nom. Dans certains cas, ça peut être utile pour des noms composés. Dans certains cas, pour certaines petites choses, mais l'être nouveau doit le faire au niveau de sa parole. Au lieu de dire « je m'appelle », ben c'est « je suis », en prononçant le nom. Ben c'est ça que tu es, là c'est la vibration. Si tu t'appelles, ben c'est parce que quand t'es perdu, là, si tu m'as crié « Daniel, est-ce que t'es? » Un instant, je m'appelle Charles. Moi, quand j'étais jeune, on me disait « comment tu t'appelles? » Puis moi, je disais toujours « je m'appelle pas, je suis tout rendu. » Ben c'est ça, je dis « je m'appelle pas. » Il y a quelques années, j'ai consulté un astrologue qui m'avait alors prédit que je ne rencontrerais pas l'âme sœur avant une dizaine d'années. Bien que je sache qu'il est possible de rompre la crédibilité d'une telle prédiction, je n'y suis pas encore arrivé. Tant mieux! Pour l'âme sœur. Veuillez expliquer les mécanismes qui font que l'ego mord si fort à certains hameçons que d'autres. Parce que l'ego souffre de médiocratie. Lorsque... Il faudrait retourner là, quelques années en arrière pour aller voir de quelle façon votre ego se sentait lorsqu'il est allé voir l'astrologue. Si l'ego voulait absolument que l'astrologue lui dise ce que l'ego voulait entendre, ben, l'astrologue lui a dit, la question donnée, c'est pas un problème. Oui, vous allez la rencontrer dans 10 ans, il ne connaîtra peut-être plus, enfin, si je me trompe, dans 10 ans. Bon. Là, la personne, elle voulait l'ego, c'est pas toujours conscient, l'ego voulait avoir une réponse positive, il l'a eu, il part avec, il est bien content. Cet astrologue aurait dit, ah non, jamais vous la rencontreriez, probablement que vous n'auriez pas cru l'astrologue. Bon. En passant, l'âme sœur, c'est quelque chose à ne pas rencontrer. Pour l'âme sœur. Parce que c'est la pire chose qui peut arriver à un être humain, c'est de rencontrer son âme sœur. Qu'est-ce que ça y fait? Ça y fait mal. Parce que c'est trop pareil? C'est tellement pareil, c'est tellement parfait que la désharmonie essentielle pour que l'ego chemine dans une structure évolutive jusqu'au jour où il puisse parvenir à développer suffisamment mental pour déployer son ajusteur de pensée pour entrer dans un cheminement de conscientisation est totalement anéanti. Autrement dit, les égos évoluent uniquement parce qu'ils fuient la souffrance, la peur, puis ils recherchent le plaisir. Lorsque l'être humain rencontre son âme sœur, il rencontre exactement des facettes absolument identiques, plus ou moins complémentaires, de ce qui l'ont constitué dans le passé. C'est un peu comme... C'est un recul, finalement, total? C'est une stagnation totale. Pour l'évolution de l'âme, ou un recul ou un arrêt? Oui, et quand on parle d'âme sœur, c'est un terme spirituel, parce que dans la spiritualité, on fait tout pour que l'humain n'atteigne pas la conscientisation. Hein? Dans toutes les religions du monde, si vous dites « Hey, j'ai un contact avec Dieu », vous êtes blasphème. Parce que les techniques religieuses, religieux vient du mot religares qui veut dire relier, les techniques religieuses sont là pour vous permettre de vous relier. Mais vous ne devez pas réussir, parce que vous êtes blasphème, quelle que soit la religion. Alors, si vous êtes, par exemple, à l'église, vous êtes en train de prier, puis subitement, vous avez une illumination, vous faites les mains comme ça, le prêtre rentre, il vient vous voir, puis vous dites, je suis en train de parler avec Dieu, une minute. Et il sait que vous êtes fou ou folle. Pourquoi? Parce que, inconsciemment, on sait que les prêtres savent que les techniques de religion ne permettront jamais à l'homme, à la femme ou à l'enfant de se relier à son esprit. Un religieux peut être relié. Une religion ne relie pas et ne sera jamais reliée. Alors, quand on parle d'âme sœur, c'est encore des mécaniques qui proviennent de la spiritualité. Et là, on va dire aux personnes de rechercher leur âme sœur. Le temps qu'ils vont faire ça, ils ne font pas d'autre chose. Puis, ce serait étonnant qu'ils trouvent leur âme sœur. Puis là, s'il y en a quelques-uns qui l'ont trouvé, puis se sont suicidés allègrement ensemble, tous les deux, c'était parfait. C'est merveilleux. Comment retrouve-t-on l'estime de soi? Probablement qu'on ne retrouve pas l'estime de soi. Comment trouve-t-on l'estime de soi? Ouais. Étant donné que le soi a changé à travers le temps, ça ne sert à rien de rechercher l'estime de soi. On va se ramasser avec une nostalgisation qui va nous nuire. Et comment parvient-on à s'aimer soi-même? Pour parvenir à s'aimer soi-même, répondre en 30 secondes, là, sans mentir. Est-ce qu'on pourrait virer ça à l'envers et dire comment arrêter de ne pas s'aimer? C'est la même chose. C'est pas la même chose. Ben, c'est-à-dire que, oui, ben, je peux répondre en 30 secondes. C'est pour arriver à avoir l'estime de soi, il faut cesser de ne pas s'aimer. Voilà. Merci. C'est pas ça que je voulais que tu fasses, là, mais... C'est vrai aussi. Oui. À un moment donné, on fera une conférence complète sur le phénomène, justement, d'estime de soi, parce que c'est le frein majeur de toute forme de conscientisation. Je n'ai rencontré jusqu'à date absolument personne qui s'aimait. J'ai rencontré énormément de personnes qui me disaient s'aimer, et après vérification, elles se rendaient compte qu'effectivement, elles ne s'aimaient pas du tout. Elles aimaient leur personnalité, elles n'aimaient pas leur personne. Je ne parle pas du corps physique, je parle de ce qu'ils sont dans la réalité, parce que l'humain est toujours trois phénomènes. Il est ce que les autres pensent qu'il est, il est ce que lui veut être, il pense qu'il est, puis il est ce qu'il est en réalité. Alors, j'ai rencontré plusieurs personnes qui aimaient ce qu'ils pensaient être, la personnalité. J'ai encore rencontré personne qui s'aimait fondamentalement lui-même. On pourra en parler tellement longtemps. On fera une conférence là-dessus à un moment donné. C'est extrêmement essentiel. Du moment que l'humain est capable de s'aimer, il est centré. Simple. S'il est centré, il est en contact automatiquement avec lui-même. Il n'y a plus besoin de moi, il n'y a plus besoin de personne. Ça nous empêchera pas de se rencontrer pour aller s'amuser ou pour parler. Mais on n'est plus assujetti, on n'a plus besoin. La personne va être totalement en contact avec elle-même. Elle saura, comme moi, répondre à n'importe quoi quand ce sera le temps qu'elle le fasse. Elle saura, quand ce sera le temps de bouger, elle saura tout. Une personne qui peut s'aimer elle-même, elle est réussie. Derrière la séduction. L'hypocrisie, le mensonge, la manipulation, la possession, le jeu, des mécaniques arimaniennes, des mécaniques sataniennes. La séduction, c'est de travailler pour se déformer de façon à ce qu'on puisse plaire aux cordes sensibles de quelqu'un d'autre. Pour l'acheter, pour le posséder, pour s'en accaparer. La séduction, c'est l'amour humain, c'est une mécanique de pavanage, c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie, c'est dommage. La séduction, c'est ça, c'est dommage. Qu'est-ce qui se cache derrière la séduction? C'est la tristesse. C'est ça qui se cache derrière. La description des signes astrologique dans les livres et dans les journaux, est-elle vraie? Absolument. Moi, je me sers de ça tous les jours, honnêtement. Je prends le journal, puis là, je lis les 12 signes, puis là, je choisis lequel que je suis aujourd'hui. Oui, parce qu'à un moment donné, oui, c'est vrai. C'est pratique. Vous prenez plusieurs journaux, vous regardez, à un moment donné, vous allez vous rendre compte que Gémeaux, lisez ce qui est là. Le fouillez dans un journal date de 2-3 ans, là, Sagittaire. Tiens, c'est exactement le même texte. Identique. Il n'a rien changé. Ça sert, parce qu'il y a plusieurs... L'humain manipulé par l'astral. L'astrologie, c'est totalement manipulé par l'astral. Alors, l'être humain, il ne sait pas trop qu'est-ce qu'il doit faire un matin. Fait qu'aujourd'hui, on lui dit, écoute, lis ton astrologie, ça va te le dire. Et il dit, amour, faites attention aux autres. Ah, il me semble bien aussi. Argent, vous n'en aurez pas plus qu'hier. Ah, c'est bon. C'est... Et puis, santé... C'est de fumer. C'est ça. Santé, attention, pas attraper une grippe. Tu sais. 8 ouais. Décembre ou 21 janvier, c'est bon. Puis, tout est bien bon. Mais ça permet à des personnes de se solidifier. Ça permet à des personnes de se lever le matin et se dire, « Ah, je suis de mauvaise humeur, puis gars, j'ai raison. » Puis, une autre journée, ils se disent, « Je suis de mauvaise humeur, puis tiens, ils disent qu'il faut être de bonne humeur aujourd'hui, fait qu'allons-y. » Ils restent manipulés quand même. C'est utile pour la masse, mais ça ne servira jamais l'individu. Alors, si on est une masse, on est collectif, évidemment, il n'y a pas de problème, c'est fonctionnel. Si on est un individu, on lit pas ça, même pas, on peut-être corriger les fautes d'orthographe, mais pas pour moi je crois pas ça, tu sais, je regarde juste, tu cherches ce qui te plaît, puis là, ça marche. Mais ma femme, des fois, elle arrive quand on trouve un morceau qui nous plaît, elle est bonne, elle. Oui. Des fois, l'astrologie chinoise, c'est tes cochons, tes coqs, tes poules, puis ça marche en tabarouette. Deux ans après, tu recommences ça, c'est pas aussi bon qu'avant. Tu te ramasses avec l'astrologie tibétaine, Faites comme on a fait là. Faites votre astrologie, allez voir. Et à un moment donné, on doit la faire, plus besoin de phénomènes comme ça. Ce qui est important, c'est que dans n'importe quelle terrestrification, donc atterrissage dans la matière d'une technique, on ne doit jamais en faire une religion. C'est ça qui est important. Alors, l'astrologie, ça devient une religion en ce sens que tu veux te relier à l'astrologie. Tu veux te relier par l'astrologie aussi. On va te dire dans l'astrologie comment te relier à Dieu. Les prêtres font la même chose, ça devient une religion. La personne, elle fait de la cartomancie, de la chiromancie, de la caractéromancie ou n'importe quelle mancie. Et la personne, elle finit par ne jurer que par ça. Bon, un matin, est-ce que j'achète un auto ou pas? Tu sors les cartes. Mais l'humain n'est pas ce que tu veux. L'humain est l'esclave. Ouais. Carte de crédit. Je vais te dire ça tantôt. Je fais le total. Alors, c'est ça. On peut atterrir n'importe quoi. Tant qu'on s'y assujettit pas. Aucun problème. Pourquoi vieillissons-nous? Ben oui. Vu qu'on n'est pas né. Et qu'on n'a jamais existé. Ben, à quelle question veux-je répondre, là? Pourquoi vieillissons-nous? On vieillit simplement parce qu'il y a chez l'être humain des mécaniques qui font en sorte qu'il doit y avoir des mélanges au niveau de son âme. Le corps physique doit mourir pour laisser la place au nouveau. Puis les nouveaux naissent de l'association de deux corps physiques qui vont donner leur génétique au nouveau. Et parce que le nouveau est supérieur aux deux qui ont donné leur génétique, à un moment donné, on aurait trop d'humains, trop d'animaux. Le poids de ce qui vit serait supérieur au poids de la planète, ce qui est insensé. Alors, ça meurt. Ce qui meurt va servir à recréer le nouveau plus tard. C'est le processus même de l'écologie puis d'un cycle écologique. Au niveau de l'astral, c'est la même chose. L'âme arrive, l'âme prend de l'expérience planétaire, puis quand l'âme meurt, elle va dans le monde de la mort. Elle se dissout au complet là-dedans. C'est un processus réincarnationnel qui n'est pas expliqué dans la tradition. Et par la suite, bien, quand ça se réincarne, c'est un mélange des expériences de tout le monde, comme un peu on a le mélange des expériences de nos ancêtres. Alors, c'est pourquoi l'humain meurt, c'est pourquoi les animaux meurent, c'est pourquoi les plantes meurent. Il y a des tortues, évidemment, qui vivent quelques milliers d'années, puis des arbres qui osent faire la même chose, c'est salaud. Mais ce qu'on doit comprendre, simplement, c'est que c'est avantageux pour nous de mourir, bien que pour l'ego, ce soit un petit peu compliqué. Et quand l'être humain va arriver à un contact total avec son esprit, il n'aura plus besoin de vivre expérientiellement, c'est-à-dire qu'il n'aura plus besoin de se grandir sur l'expérience, alors il sera totalement immortel et nécessairement il sera totalement stérile. C'est le fun, hein? Là, il pense à cause qu'il ne pourra plus faire de la route de relation sexuelle. Mais là, tu penses que tu n'auras plus de relation sexuelle, c'est un homme nouveau! C'est évident! Mais c'est pas grave! Tu vas louer des vidéos, puis tu regarderas! Ouais. Ça va ils vont être juste en couleur dans ce temps-là. La numérosophie peut-elle indiquer l'état de santé de l'humain? C'est évident. C'est évident. Oui, d'abord! B. Comment la numérosophie peut-elle indiquer l'état de santé de l'humain? C'est pas écrit. Je ne sais pas lire. C'est en langage d'oiseau aveugle. Moi, je réponds aux questions qui sont écrites. OK. On reviendra si on a un petit peu de temps. Je vais passer les autres questions. La logique a de la difficulté à lâcher prise face à des techniques comme ce soir ou celle du fascia latent. Quoi faire? Elle est toujours là pour s'opposer, pour résister. Ce n'est pas la logique qui fait ça. C'est l'ego. Oui. La logique, c'est l'association plus ou moins mathématique de données qu'on a chez soi. Alors, si on croit en Dieu, puis que le Dieu nous dit que pour venir le rejoindre, on doit absolument mourir sur un champ de bataille en tuant des infidèles, il sera totalement logique de les battre. La logique, ce n'est pas quelque chose d'animotif. Il peut y avoir énormément d'émotions dans la logique. Les mathématiques sont logiques. On a vu tout à l'heure à quoi ça peut ressembler la logique mathématique. C'est un exemple parmi tant d'autres. C'est facile de jouer avec la logique mathématique. Alors, la personne, ce qu'elle a simplement, c'est qu'elle n'est pas la logique. C'est son ego qui est tellement puissant qu'il met des mensonges, qu'il met des barrières. Et l'ego a fini par recevoir comme plus puissant bouclier le concept de la logique. Comme certains vont amener le concept du bon sens. Ça n'a pas de bon sens, donc c'est pas bon. Et il y a beaucoup de chrétiens dans le passé qui parlaient du bon sens. C'est le bon sens de tuer quelqu'un qui n'est pas chrétien. Les cannibales parlaient du bon sens, eux autres. Ils déformaient. Il y a des mécaniques, et quand on parle de logique, par exemple, il y a une personne, à un moment donné, on prend la technique du facialateur, qui est une mécanique, bon, que je ne peux pas expliquer ici, et elle ne ment pas, elle ne trompe pas. C'est exactement comme si on aurait un détecteur de mensonges. Ben, il y a un petit appareil qu'on a des fois qu'on sert dans le séminaire, on met ça après les doigts des individus, là, et puis là, ça fait du son. Puis là, on leur dit simplement, ben, regarde, pince-toi la joue, la personne, elle se pince la joue. Puis ça fait... Parfait. Donne-toi une claque, une claque. Ni, rien là. Là, je dis, moi, maintenant, je vais te donner une claque. Taf. Ni. Là, je dis, tu vois, ton ego, là, il est frustré parce qu'un autre, il touche. Elle est là, ben oui, mais pourtant, il n'y a rien là. Je ne parle pas de toi, je parle de ton ego. Là, je mets l'appareil à quelqu'un d'autre, puis j'ai dit, t'es bien cute. Ni. L'ego ne peut pas supporter un compliment. C'est la même chose. Surtout quand c'est un gars, ça fait... C'est un gars, oui. Puis là, ce qui va arriver, c'est qu'une personne qui dit logique va dire, oui, alors, mais il n'y a rien qui me dit que c'est vrai. Non, c'est pas la logique là, qui t'obscurcit. C'est le mensonge. C'est, explique-moi-le. Pourquoi c'est pas vrai? Ou ça n'a pas de sens, je me pince, puis tu me pinces, il y a une différence. C'est ça, l'ego. Je cherche pas de la logique dans l'ego. C'est ça, l'ego. C'est, là, c'est pas une question de logique, c'est même c'est expérientiel, tu sais, c'est scientifique. C'est pas logique. Il y a plusieurs personnes qui sont pour une chose. Puis quand on vérifie au niveau de leur ego, ils travaillent depuis 20 ans contre la chose. Puis après ça, ils comprennent pas comment ça se fait qu'ils n'ont jamais eu la chose. Plusieurs personnes veulent être riches, puis travaillent carrément contre leur richesse. On parle de leur ego. Il y a des personnes qui commencent à avoir un peu d'argent et commencent à dépenser tout de suite. Bon, il y en a qui commencent à avoir de l'argent et commencent à boire tout de suite. Il y en a qui se rendent compte, fait si moi je bois pas, il va arroser ça. L'ego travaille contre lui. Mais il y en a qui suivent des régimes. Ils maigrissent. Après ça, Christy, ils mangent. Ils savent tout. Mentalement, l'ego travaille contre. Là, si on vérifie l'ego, ben, ton ego n'a jamais voulu maigrir. Il se sent insécure quand il maigre. Puis simple, on peut tout y en donner plein la face. C'est pas une question de logique, c'est une question d'évidence. Ce qu'on sort là, c'est totalement évident, on peut déshabiller un humain totalement. C'est pas une question de logique. L'humain n'est pas logique. Qui a dit que l'humain était logique? L'humain est humain. L'humain est émotif. L'humain a une partie cartésienne, donc logique. L'humain a une partie intelligence. On peut se servir de mécaniques qui sont très logiques aussi, très mathématiques, pour arriver à comprendre les choses. Ça fait penser à mon professeur de mathématiques quand j'étais jeune, qui m'avait dit, « Daniel, c'est stupide ce que tu fais là, parce que j'avais trouvé un truc, moi, pour lui, il prenait un tableau complet pour arriver à une réponse, puis moi, j'avais trouvé une façon plus rapide d'y aller. » Puis il m'a dit, « On ne peut pas arriver à un résultat logique par un cheminement illogique. » Puis moi, j'avais dit, « Ben écoutez, mon cheminement n'est pas illogique, il est illogique parce que vous ne le comprenez pas. Mais illogique, parce que justement, ma réponse est bonne. Si la réponse est logique, mon cheminement est logique. » Puis j'ai le doigt à bien des affaires. La logique, c'est ça. La logique a de la difficulté à lâcher prise. Et là, je dis bien à la personne, puis là, c'est pas pour attaquer son ego. C'est pas la logique. C'est que la personne, son ego, refuse d'accréditer des mécaniques qui vont permettre au mental de l'individu de commencer à connaître les secrets de l'ego. L'ego veut pas. Expliquez qui est José Thomas Zébellion. Est-il supramental? La personne, elle a déconnecté. Bon, elle a lu un peu, elle a entendu parler. Je déteste parler de personnages. Ça m'arrive de temps en temps, je glisse un petit mot là-dessus. Est-il supramental? C'est à vous de décider simplement si un individu est branché ou pas branché. Il y a plusieurs personnes, je peux donner des petites références, mais... La majorité des individus sont branchés. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est qu'il y a deux antennes supramentales sur la planète présentement. Seulement deux. Je voudrais savoir, c'est pas moi qui l'ai écrit, la définition du nom Villeneuve, s'il vous plaît. Je l'avais gardé pour la fin, j'espérais que tu n'avais pas le temps. Ah, ben je l'ai aussi. Je ne l'ai pas. Je peux passer les autres. Mais non, celle-là est très, très intéressante. tu trouves? Ah, oh, absolument. Villeneuve, ça veut simplement dire une ville qui est neuve. Ben, c'est ce que ça veut dire. Qui est marié avec une Châteauneuf. Vous voyez comme quoi les choses vont mal. Un Châteauneuf. Puis dans l'Antiquité, les châteaux étaient la ville. C'était l'enceinte de la ville. Enfin, c'était le protecteur de la ville. Quand il y avait des problèmes, le monde se garochait dans le château. Hein? Quand t'as des problèmes, tu te garoches-tu dans le Châteauneuf? Bon, ça, parlons pas de la vie privée. Puis la Villeneuve, on pourrait le définir au complet, étudier le V, étudier le I, le 2L, etc. Puis on pourrait s'amuser, mais effectivement, c'est des choses qui regardent surtout l'individu qui habite le corps. Et je vais parler de Dieu tout à l'heure. As-tu des questions là-dessus? C'est intéressant. C'est ce que tu avais à dire est intéressant ou ce que tu vas dire? Pas les questions à se poser, mais ce que j'avais à dire. Dieu. Dieu notre Père ou Dieu astral, à quel niveau? Dieu notre Père, non, Dieu votre Père, Dieu mon Père, Dieu astral ou Dieu à quel niveau, c'est ça. Toutes les dieux, ok. Du mot Dieu, est-ce qu'on peut défaire le mot Dieu en numérologie? Des I-U, des I-E-U? Tu peux-tu le faire? Bon. Une question de même, hein, ici. Savais-tu que... Parce que vibratoirement, Allah, Dieu, c'est supposé d'être important. Allah, ça veut dire Dieu. Al veut dire Dieu. Et quand on parle d'alchimie, on parle de la chimie de Dieu. Hein? On pourrait définir le Al, on va définir le Dieu. Il faut t'apprendre à compter avec moi. Le D, c'est quoi? D, c'est 4. 4. I, c'est quoi? 5? Il faudrait le compter, parce que si je mets n'importe quel chiffre ici, à moins qu'on donne des symboles aux chiffres, là, tu sais. 9. On s'entend pour 9, U. Mébule, U. V, W, X, Y, Z, on va passer par la fin, là. Il y en a 27, ça fait 21. Ça fait 3 de bord? 21, ça fait 3. On s'essaye avec ça? Dieu, c'est la matière, c'est la perfection dans la réflexion, c'est le contrôle, puis c'est la résultante. Ça voudrait dire que Dieu, le Dieu, ce que l'humain appelle Dieu tel qu'on le connaît là, il est nécessairement partout dans le règne de l'homme parce qu'il est matière. Donc, il est dans ton corps, il est dans la matière, dans les plantes, en plastique, dans l'air, dans tout. Dieu partout. C'est la perfection dans la réflexion, si on se fie toujours aux définitions qu'on a vues tout à l'heure, perfection dans la réflexion, ça veut dire que Dieu a une possibilité de réflexion, donc de réfléchir des mécaniques, de beaucoup supérieure à ce que l'homme a. Dieu, c'est le contrôle, ça veut dire que la matière est dans la perfection matérielle, on pourrait donc dire perfection matérielle dans la matière, perfection dans la réflexion dans la matière, c'est très facilement l'équivalent de nature. C'est la nature. Ce qui fait que ça pousse, ce qui fait qu'on est là. C'est la vie. C'est intéressant. Disons la nature. La nature engendre la vie, elle permet à la matière d'arriver. Et on a C, le 5, le contrôle, donc on est très près de la nature encore. C'est ce qui va définir la nature de l'expression de ton corps astral dans ton estomac, par exemple. Et on a la résultante, c'est que Dieu va nécessairement être exprimé par une résultante particulière. On va additionner. Est-ce que la résultante serait l'homme? La résultante, non. C'est simplement une résultante. Donc, Dieu est exprimé. Oui. Cherche pas le Dieu dans l'inconscience ou dans l'inconscience. Dans l'événement, C'est là. OK. Ça. Puis quand le Nazaréen il dit, à un moment donné, Dieu va se pointer chez vous, il va vous dire, quand j'étais te voir, puis j'avais faim, là, pourquoi tu m'as pas nourri? La personne va dire, écoute, si tu serais venu me voir, puis tu aurais eu faim, je t'aurais nourri, certain. Puis le Nazaréen dit non. Quand un bonhomme ou une bonne femme est allé te voir pour te demander à manger, puis tu as dit non, c'est à moi que tu le refusais. On est très près de la définition de Dieu ici. C'est la nature et c'est l'expression. C'est tout. OK? Simple. Quand tu écrases un écureuil pour rien, là, tu écrases l'orgelet de Dieu. Bon. On additionne. 9 plus 4, ça fait 13. 5 et 3, ça fait 8. 3 et 1, ça fait 4. Dieu, c'est la matière et c'est la perfection dans la matière. Autrement dit, Dieu, ce serait la matière brute telle qu'on la connaît et toute la structure atomique ou interatomique qui la constitue. On pourrait se rapprocher de l'idée de l'énergie. 8 étant l'infini aussi. 8, 9, 10, 11, 12 égale 3. Dieu n'est qu'une résultante, encore une fois. Et quand on parle de ce Dieu-là ici, le mot Dieu désigne donc, égrégorement parlant, une résultante, ce qui me ramène encore à dire que quand l'humain parle de Dieu, tous les dieux planétaires, dans le sens où on veut en parler, on parle toujours d'un Dieu qui finalement est créé par l'homme à l'image et la ressemblance de l'homme. Mais là, je ne parle pas de l'homme égaux. Je ne parle pas de l'homme planétaire. Parce que dans cette définition-là, de numérosophie... Non, ça, c'est la numérogonie. Numérogonie, pour tout mélanger, est-ce que numéro quelque chose? C'est l'agonie de sa conscience. C'est l'agonie pour moi d'essayer de retenir tout ça. Que la volonté de Dieu soit faite, ça serait que la volonté de Si, c'est la volonté de Dieu est faite. Est faite, c'est ça. Oui, c'est la matière, c'est, puis il y a le contrôle, puis il y a le résultat. Donc, en partant, il n'y a même pas de question de choix là-dedans. Si on serait arrivé au numéro 6, qui est la réflexion, bon, on ne sait pas. Non, c'est 3, c'est le résultat. C'est réglé. Si tu as fermé la lumière un peu vite à mon goût, là. Non, c'est parce que je voulais que tu te relèves. Si on prenait Allah. C'est pour ça que j'avais été la lumière. Ouais. Des mots qui ressemblent, il y a Yahvé, il y a Allah. Est-ce que tous les mots qui veulent dire Dieu dans différentes langues, numérologiquement, se ressembleraient à non. quelque part? Yahvé va avoir une correspondance beaucoup plus amour. Dieu a une correspondance beaucoup plus universelle. Il est présent partout. On l'a vu dans la numérogonie. Yahvé aura une expression beaucoup plus amour. Jéhovah aura une expression beaucoup plus loi, règlement. Elohim aura une expression beaucoup plus créateur. Allah, elle, c'est quoi? Ça fera 3. Mais il y a 0 dedans, on n'est pas tout à fait exact. Ça fait 13. Mon Dieu, ça fait 3 quand même. A1, ça fait 4. Allah, c'est la matière. Et ça va très bien avec, mais pas Al, c'est la matière. Quand on parle d'alchimie, là, c'est la chimie de Dieu, puis Al, c'est la matière. Donc, on peut facilement, au niveau de la science, en tripotant la matière, penser, arriver à quelque chose. Bon, si on regarderait Allah, ça donnerait perfection dans la matière. Tout court. Ça serait donc très matériel, beaucoup plus proche de... Oui, mais encore beaucoup plus... C'est immatériel dans le sens matière, parce que c'est la perfection dans la matière. Et c'est pourquoi les musulmans n'adorent pas Al, vont adorer Allah. L'alchimie, bien évidemment, c'était la chimie de Dieu, simplement. Quand on parle de réel... God, ça serait quoi? G-O-D. C'est ça, G-O-D. G-O-D, ouais. God. Trouvez-moi le O, je vais trouver le G puis le D. A, B, C, D. D, c'est 5. F, G. Non, 4. G, c'est 6. Et D, c'est 4. Le O, c'est quoi? 15. Oh, God. Oh, God. G, c'est 7. G, c'est 7. Bingo! G, 7. O, c'est... O, 15. C'est 6. G, c'est 7. Oui. God, c'est un créateur qui hésite énormément en ce qui concerne ce qu'il va laisser dans la matière. On a la création, on a la réflexion, on a la matière. Création, réflexion, c'est un processus de dualité. Tu réfléchis, on a vu tout à l'heure, c'était le triangle positif, le triangle négatif. Alors que le chiffre 9 était l'accomplissement. Donc, on a un Dieu qui ne sait pas trop comment s'impliquer dans la matière. Si on additionne, 6 et ça fait 13, ce qui donne 4, c'est un Dieu qui va normalement supporter des individus qui vont être capables de contrôler de la matière. Et ça devrait même les amener, enfin, on a encore le 4 et 4, le 8. Mais ça, le 8, on le retrouve dans toutes les additions au niveau des divinités. perfection dans la matière à chaque fois. God est un Dieu qui amène l'humain à contrôler la matière et à s'enrichir. C'est le God, Dieu américain. Ça va très bien avec ça. Ouais, c'est le Dieu britannique aussi. Non, mais pas dans la façon dont je l'ai dit. Ah, OK. Mais dans la façon dont je l'explique, c'est bon pour les deux. Sauf qu'il y en a un que ça se tarie progressivement, puis c'est l'autre qui le ramasse. Tu peux t'éteindre? Oui, ça va. Ah. Maintenant, si je vous parlais de Dieu, j'ai encore le temps, oui. On aurait pu aussi vérifier le mot Père. Mais on ne le fera pas. Lorsque l'être humain parle de Dieu, les mots, c'est des concepts. Lorsque l'être humain parle de Dieu, il parle toujours d'une mécanique qui est existentielle, qu'il sent à travers lui. On a vu avec la définition ici que le Dieu, quand lui-même parle de Dieu, Dieu c'est l'univers. Il pense pas si bien dire Dieu. Et soit il demande, Yahvé c'est quoi? C'est pas l'univers. Jéhovah c'est quoi? C'est plus l'univers. Bon, les Élohim c'est pas l'univers non plus. Quand si on reprend le mot Dieu en termes énergétiques, si on prend la correspondance du mot Dieu dans le contexte astral, où on a vu tout à l'heure que c'est le contrôle, la matière, disons le mot nature, c'est la nature Dieu. Donc Dieu c'est les soleils, Dieu c'est l'espace interstellaire, Dieu c'est les galaxies, c'est l'atome, c'est la vie, c'est tout. Si on prend le mot Dieu, c'est ce que le mot veut dire. Si on prend le mot Dieu, puis qu'on essaie à travers le concept astral, On essaie de se projeter à travers le concept astral pour aller voir au-delà du mot Dieu ce qui aurait pu engendrer la création du concept. Je ne vais pas trop m'éloigner, mais ce que je veux dire simplement, c'est qu'au-delà des concepts humains et planétaires du mot Dieu, existe-t-il une source qui aurait pu, dans la conscience astrale de l'humain, créer la résonance pour permettre à l'humain de reconnaître dans la nature quelque chose de divin? Quand on regarde la nature, on parle souvent de la mère, la terre, puis on parle de Dieu, le Père créateur. Ça reste encore un phénomène naturel. C'est évident, quand on parle du Père et de la mère à ce niveau-là, c'est une projection des concepts humains de l'époque en fonction des mécaniques réactionnelles. Et c'est pourquoi l'homme va dire « Dieu nous a créés », parce que Dieu reste la nature dans le décodage numérogonique qu'on a vu là. Il existe effectivement, on peut traverser totalement toute la mécanique, traverser totalement l'espace même de Dieu pour aller chercher une résonance plutôt supramentale, donc vibratoire, un savoir, une cognition vibratoire qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Tu as une question et ça fait que je préférerais, oui. OK. Est-ce que laisser sa Mazda les lumières allumées? Non. Est-ce que l'addition des lettres peut aussi être à considérer? Dieu égale 4, God égale 3, l'addition de toutes les lettres. Oui, absolument, absolument aussi. Fait que Dieu, ce serait matériel, 4? Dieu, oui, mais encore une fois... Le 4, c'est quoi? Normalement, ce qu'on fait, c'est que le 4, c'est la matière. Normalement, ce qu'on fait, c'est que tu commences à faire comme j'ai fait là, puis là, après ça, tu peux additionner toute l'affaire au complet, puis le placer ici, pour faire un parallèle entre les deux. Mais on ne peut pas prendre uniquement l'addition des lettres pour avoir un résultat là. De toute façon, une chose qui est très importante aussi, c'est que si on regarde Dieu, tu as 4 lettres, God, tu en as 3, c'est ça que la personne demande. Si avec le mot Dieu, on en a 4, on parle de matière, on peut confronter, je parle du phénomène matériel, à tout ce que je viens d'expliquer là. On ne peut pas prendre uniquement le 4 matières. Comme Daniel, D-A-N-I-E-L, ce n'est pas la réflexion. Par contre, si on additionne Daniel, on arrive au chiffre 9. Si on additionne Kem, on arrive aussi au chiffre 9. Si on additionne 9 et 9, ça fait 18, ça fait encore 9. Bon. Si par la suite on prend le 6, puis on prend le Kem, K-E-M-P, le 4, on aura la réflexion dans la matière. Mais ça doit être opposé à la perfection dans la réflexion. La perfection dans la réflexion, ça va nous donner une idée un peu de dans quelle voie va être amenée la réflexion vers la matière. Mais nécessairement, on pourra penser que le personnage aura une incidence dans la matière quelque part. Mais ce n'est pas de la numérogonie, ça peut servir. En passant, tout peut servir. Comme par exemple, tout à l'heure, on arrive au chiffre 13. Le chiffre 13 lui-même veut dire quelque chose. Je l'additionnais au chiffre 4 pour simplifier ce soir. Comprenez bien une chose. Par étape en descendant, tu peux t'arrêter à chaque finalement, celui qui le fait, il doit se laisser aller. Donc, comprenez une chose. Si tu parles trop fort en télépathie. C'est que, et là, vous allez, souvent, c'est là que l'humain devient un petit peu instable. Faites-le de n'importe quelle façon, et ça va être la bonne. Là, la personne, elle va se dire, ben oui, mais là, ça n'a plus de sens, si on se met à faire ça n'importe comment, parce qu'ils ne sont pas capables de supporter leur spontanéité. La personne, elle va additionner les quatre, va additionner l'autre, puis ce qu'elle va en découvrir, c'est quelque chose qu'elle a besoin de découvrir. Elle ne peut pas en faire une science pour le vendre. À la limite, tu tromperais de chiffre, tu tromperais de lettre, puis ça donnerait quand même ce qu'il fallait que tu trompes. Tu t'es pas trompé par hasard. Ça va faire. C'est pour ça que la numérosophie jette un peu à terre la numérogonie. La semaine prochaine, vendredi le 3 mai, le titre de la conférence, le Graal est-il au Québec? Ah bon, on va changer de... Oui. Ça va être grave la semaine prochaine? Ça va être grave, là. Oh, là-dessus, on s'amuse, on numérogonise pas trop? Bonne semaine.